Chapitre 4. Que tu es belle, ô mon amie, que tu es belle! Tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galaad. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passées aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Voici tes lèvres comme un ruban écarlate, combien ta bouche est charmante. Et tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Ton cou ressemble à la tour du roi David, bâtie comme un arsenal. 1000 rondaches y sont pendues, tous les pavois des héros. Comme deux fans sont tes deux seins, comme deux jeunes gazelles qui sont jumelles et qui vont paître parmi les lys. Quand viendra la fraîcheur avec la tombée du jour, et quand les ombres s'estomperont, je m'en irai vers la montagne de Myre, vers la colline encensée. Que tu es belle, ô mon amie, tu es parfaitement belle, sans un défaut. Ma fiancée, tu vas venir avec moi, tu vas venir du Liban, oui, du Liban avec moi. Tu contempleras la plaine du sommet de l'Amana, du Sénir et de l'Hermon. Là, les lions ont leur retraite et les panthères se cachent dans les montagnes. Tu me fais perdre le sens, ô toi, ma sœur, ma fiancée. Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, par un seul de tes joyaux suspendus à tes colliers. Ton amour est délicieux, ô toi, ma sœur, ma fiancée. Oui, ton amour exalte plus que le vin, et la senteur de tes parfums exalte plus que tous les baumes. Tes lèvres, ma fiancée, distillent un nectar pur, et sous ta langue coule du miel et du lait. Et le parfum de tes habits est tout pareil à la senteur du Liban. Tu es un jardin bien clos, ô toi, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source close, une fontaine scellée. Tes rameaux sont un verger de grenadiers portant les fruits les meilleurs, le henné avec le nard avec le safran et la cannelle odorante, le cinnamome et toutes sortes d'arbres donnant de l'encens, de l'aloès et de la myrrhe et les plus fins aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive, d'eau ruisselant du Liban. Éveille-toi, Aquilon, accours au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis.